En allemand, comme en français, pour parler d'une action qu'on fait depuis un certain temps, on emploie le présent. Par exemple, si vous voulez dire « je fais cela depuis longtemps », vous direz « ich tue es »« je fais cela »« ich tue es seit langer Zeit »« depuis longtemps ».« Seit » c'est « depuis ».« Seit » S-E-I-T. Seit langer Zeit. Depuis longtemps. Vous entendrez aussi beaucoup le petit mot schon, déjà. Ich tue das schon seit langer Zeit. Ich tue das schon. Je le fais déjà. Depuis longtemps. Seit langer Zeit. Ich tue das schon seit langer Zeit. Si vous voulez mettre l'accent sur das, mettez alors ce mot en début de phrase, à la place du sujet. Comment diriez-vous alors cela? Je le fais depuis longtemps. Das tue ich. Bien, das tue ich. Puis, seit, depuis. Seit langer Zeit. Das tue ich seit langer Zeit. Ou, das tue ich schon seit langer Zeit. Cela, je le fais déjà depuis longtemps. Imaginez que vous êtes à Vienne et que vous dites, j'habite ici depuis 3 mois. Depuis 3 mois se dit, seit drei Monaten. Seit drei Monaten. Donc, comment diriez-vous j'habite ici depuis 3 mois? Ich wohne seit drei Monaten hier. Seit drei Monaten. Ich wohne seit drei Monaten hier. Comment diriez-vous depuis combien de temps vivez-vous ici? Depuis combien de temps c'est depuis quand? Et quand se dit c'est ce petit mot en v. Seit wann? Seit wann? Vivez-vous ici? Seit wann wohnen Sie hier? Très bien. Seit wann wohnen Sie hier? Comment demanderiez-vous à quelqu'un depuis quand travaillez-vous ici? Seit wann? Oui, seit wann, depuis quand? Mais on peut aussi dire depuis combien de temps? Ce qui se traduit littéralement par comment longtemps? Seit wie lange? Wie lange suffit. Ah, wie lange arbeiten Sie hier? C'est ça. Wie lange arbeiten Sie hier? Très souvent, vous entendrez dire wie lange arbeiten Sie schon hier? Depuis quand travaillez-vous déjà ici? En allemand, schon, déjà, est très souvent glissé dans les phrases. Par exemple, comment diriez-vous il travaille ici depuis 3 ans déjà. Depuis 3 ans, c'est seit drei Jahren. Seit drei Jahren. Er arbeitet. Déjà. Schön. Attention, déjà se dit schon. Schön signifie beau, belle. Vous devez donc bien faire la différence entre schön, beau, belle, et schon, déjà. Er arbeitet schon. Bien. Er arbeitet schon. Depuis 3 ans ici. Seit. Seit drei Jahren hier. Seit drei Jahren hier. Er arbeitet schon seit 3 Jahren hier.